La pupusse ? Sur le chien ? Eh oui. Eh oui. Le chien-chien, il est où ? Ah, la pupusse. Mais il y en a pour tout le monde, hein. Jusqu'au chien. Il a sa chanson ce soir, ouais, ouais. Tu es la puce.